Et puis, ils nous ont quittés. Une grande explosion aura fini par avoir raison de la meilleure émission de la bande FM. Ces voix que j'écoutais chaque mercredi sur Radio Canu ont décidé d'arrêter. Et même si je suis contente qu'ils et elles puissent aller vers de nouvelles aventures, ben moi, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que je crois que mes oreilles, elles sont accros. Et que ça va pas vraiment être possible de remplacer par autre chose. Parce que Méga Combi, il faut le dire, c'était une émission pas vraiment comme les autres. Ça va me manquer, ouais, cette façon de traiter les sujets de fond, de parler de toutes les dégueulasseries de ce monde, avec ce ton souvent décalé, ses sketchs, ses détournements, ses parodies, ses poésies. Bref, j'aurais pu vous écrire un poème, vous faire une déclaration d'amour, exprimer la tristesse qui s'est incrustée en moi quand j'ai appris que vous alliez arrêter. Mais écrire, c'est pas trop mon fort. Alors, j'ai fait ce que je sais faire le mieux. Et j'avoue, c'est ce que je fais depuis longtemps avec Méga Combi. J'ai découpé des extraits que je vais passer tout au long de la soirée. C'est pas un best-of, ça aurait été trop dur à faire. C'est surtout plein de bouts qu'on a déjà passés, et j'espère que ça vous donnera envie d'aller écouter les podcasts sur audioblog.arteradio.com. Et puis, pour finir sur une note un peu positive et se donner un peu de perspective dans toute cette tristesse, et ben maintenant que la méga combi c'est fini, à Radio Cayenne, on a bon espoir de devenir la meilleure émission de la bande FM. Alors merci méga combi, et bon vent. Méga Combi, cocktail. Bon, alors, moi, je vis à la campagne. Et là, c'est trop. C'est trop loin. Je suis clouée chez moi depuis ce week-end pour plein de raisons qui sont plutôt personnelles et insignifiantes. Dans ce tas de raisons, il y a une otite qui me bouche toute l'oreille gauche, voilà, donc je suis là, je vous parle, je m'entends pas, c'est comme si j'étais dans un caisson phonique, et c'est très désagréable. Ils lâcheront leurs chiens, les humains comme les mécaniques, et si leurs armures de plastique est plus ferme que la nôtre, c'est parce que leur combat n'a pas la pureté du vôtre. En parlant de caisson phonique, ça fait 2 jours là que j'écoute Radio Klaxon, la radio de la ZAD, je suis scotchée à mon ordi. Et un côté qui est hyper angoissant d'avoir des espèces de bandes continues de musique qui sont interrompues. Petit complément d'information concernant l'accès sur la zone. On nous indique qu'on peut accéder à la zone. Et en même temps, c'est super émouvant de les entendre, de savoir qu'ils sont là, qu'ils tiennent l'antenne et qu'il y a un côté très fort dans ce qu'ils font, dans pouvoir donner des nouvelles de l'expulsion des gens, du lieu, des mobilisations autour. D81 qui remonte aux Ardillères. Voilà, donc l'accès à la Pinelière, à la sortie du Vinu en direction de la Paclay est libre. Je me dis que c'est une semaine un peu étrange où je suis pas sur la ZAD, j'ai pas pu aller aux manifs, je peux pas aller voir les blocages à Lyon 2. Donc j'écoute Klaxon, j'ai refilé des sous un peu à la cagnotte de grève des cheminots et des cheminotes. Et voilà, donc j'expérimente le blocage de moi-même et la mobilisation disruptive, la 2.0. Et ben j'ai hâte de retourner dans le monde réel. Nous sommes toujours en direct avec cette édition très spéciale autour de la mort de Gérard Collomb et les infos commencent à se préciser. Oui, alors Gérard Collomb serait donc mort au 4e étage de la tour InCity. Certaines informations pas totalement confirmées évoquent une déshydratation fatale. Emmanuel Macron serait arrivé à Lyon pour délivrer un discours hommage. Et puis, on apprend à l'instant que le syndicat Alliance de la Police a décidé de se donner rendez-vous pour aller gazer des gens au pif en hommage à leur ministre. Gérard Colomb's Dead. En exclusivité sur Radio Canu, on est toujours en compagnie de Michel Vespucci, biographe officiel de Gérard Colomb, et nous avons en ligne Mademoiselle Candy, qui a été l'institutrice de Gérard Colomb. Est-ce que vous m'entendez, Mademoiselle Candy ? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'appeler Céline. Très bien, Céline. Alors, qu'est-ce que vous avez comme souvenir du petit Gérard quand il était écolier ? C'était à Chalon-sur-Saône, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. Bien, écoutez, j'ai un souvenir très précis de ce petit garçon qui était quand même assez particulier. Mmh. Il était très colérique, il avait vraiment du mal avec le nom et avec le fait de prendre en compte les autres également. Mmh. Mais à la fois, il avait un côté très déterminé. Hein. Notamment, je me rappelle qu'il pouvait passer des heures à construire des tours en caplat et qu'il voulait toujours avoir la plus haute. Vous devez quand même être assez fière d'avoir été l'institutrice de l'homme qui est devenu le maire de Lyon, puis le ministre de l'Intérieur. Oui, oui, tout à fait. En plus, c'était une petite école avec une classe unique. Donc, je l'ai gardé 5 ans d'affilée, hein, du CP au CM2. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours su qu'il allait faire de la politique. Comment vous saviez ça, du coup ? Eh bien, écoutez, en fait, dès le CP, il s'est présenté aux élections de délégués et ça n'a pas marché. Du coup, il s'est représenté en CE1 et ça n'a pas marché non plus. En CE2, ça n'a pas marché. En CM1, ben, ça n'a pas marché. Et puis, à la fin du CM1, il a commencé à perdre ses cheveux et il s'est rasé la moustache. Et du coup ? Bah, du coup, il a été élu délégué en CM2 suite à une triangulaire très serrée. Du coup, on peut dire qu'il aura eu 60 ans de carrière politique, c'est énorme. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs du petit Gérard écolier, Céline Sandy ? Ah oui, évidemment, j'en ai à l'appel, hein, mais il y a notamment eu cet épisode des correspondants en Roumanie. C'est quoi cet épisode, Céline ? Bah, on avait monté un échange linguistique avec une petite école roumaine. Toute la classe était ravie, alors on avait commencé par aller en Roumanie, et ça s'était plutôt bien passé. Mais le problème, ça a été quand les correspondants roumains sont venus en France. Là, je me souviens que Gérard avait refusé que son petit correspondant dorme chez lui. Mmh. Du coup, le petit Nicolae avait été obligé de s'abriter dans une tente dans le jardin des colons. Et puis, ben, le deuxième jour, le petit Gérard est arrivé un matin avec un couteau de cuisine et il a lacéré la tente de son correspondant. Ah, quand même ! Il a jamais aimé les tentes. Michel Vespucci ? Non, c'est une constante chez lui. Tout ce qui était habitat mobile, tente, cabane, véhicule, il fallait qu'il casse tout. Naïf. C'est quoi être assureur militant ? Imagine, tu viens d'ouvrir un squat et les proprios ont déjà saisi la justice. Les huissiers commencent à te harceler et tu risques d'être expulsé. Naïf. Avec l'assurance squat de la Naïf, tous les frais d'avocat sont couverts. Un service de déménagement est à ta disposition gratuitement en cas d'expulsion. En plus, si les flics ou les fachos attaquent, la Naïf, ils envoient direct leur service d'ordre pour te protéger. Naïf. Alors vite, souscris à l'assurance squat de la Naïf. Assurance squat, vaut mieux prévenir que déguerpir. Assurance squat, un produit de la Naïf. Naïf. Assureur militant. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, tous souliers qui s'enfuient déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfuirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dans le plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir au ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là. À te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Vous êtes bien dans la méga combi et ce soir on vous resserre un verre. Méga combi. Radio Canu, 18h33. Rediffusion. Salam El Kobri. Salam Combi, tout de suite des nouvelles sous Doliprane. Manifestation des CM2, le mouvement ne faiblit pas. Et oui, la grogne s'amplifie chez les plus petits d'entre nous. Des manifestations partout en France à l'appel du collectif Papa Bourré. Un ras-le-bol général des enfants face à des parents qui les traînent dans des apéros qui s'éternisent en leur promettant de rentrer bientôt, alors qu'ils commencent à monter la musique et à se trémousser bizarrement. Et voilà des enfants abandonnés sur les canapés pendant que leurs darons et daronnes enquillent les shots de Zubrowska ou font des chorés sur le dance floor sans manifester le moindre signe de fatigue. À Lyon, selon qu'on s'appuie sur les chiffres de la préfecture ou ceux des organisateurs, entre 300 et 2,5 millions d'enfants pas contents ont défilé de Jean Massé au parc de la Tête d'Or avec des panneaux où on pouvait lire « Allez maman, on rentre » ou bien « Papa, arrête la Zubrowska ». C'est un combat d'arrière-garde qui ne rassemble qu'une poignée d'agitateurs, a réagi de son côté la Fédération des parents Groovy, qui a toutefois encouragé les parents à faire un effort sur leur consommation de MDMA. Fait divers sordide. Il n'avait pas jeté son verre depuis 8 ans. Cet homme de 35 ans qui vivait seul avait amassé des milliers de bouteilles depuis toutes ces années et s'est retrouvé progressivement encerclé. Des pièces sont devenues inaccessibles au cours du temps et on l'a retrouvé dans la salle de bain qui commençait elle aussi à se remplir lentement de bouteilles de crocs. C'était moins une, a déclaré un pompier volontaire. Une semaine de plus et on le retrouvait coincé sous le lavabo. Ça aurait été plus dur pour le sortir. L'homme a été transporté au CHU le plus proche dans un état critique, même si ses jours ne sont pas en danger, tandis que des camions bennes sont toujours à l'ouvrage pour évacuer les milliers de bouteilles vides. Oui, un drame du quotidien qui nous rappelle que jeter son verre le plus régulièrement possible permet d'éviter facilement bien des accidents. Les championnats d'Europe d'athlétisme, c'est terminé. Et 11 médailles pour la France. En effet, peut-être même 12, hein, puisqu'on attend ce soir la finale du coup de poing dans le mur par équipe. Sans doute une dernière médaille pour la France qui devrait finir encore une fois en tête de ces Jeux. On salue particulièrement l'exploit de Samuel Poisson qui réalisait un 110 mètres haies exceptionnel en 32 secondes. Et puis en saut de muret à 3 grammes, comment oublier la performance de Patricia Verneuil qui a réalisé un 89 cm tout en fluidité. C'est important. Oh! Bon, ça tu m'écoutes là. Ça commence souvent comme ça. Et en fait, votre pote vous l'a déjà dit 42 fois ces 8 dernières années. Alors un effort est demandé à tous. Demain, c'est la journée mondiale contre les trous noirs, les confidences pas obligées et les craquages sous alcool. Pour terminer, quelques événements glouglou à noter pour les jours prochains. D'abord, cette commémoration à ne pas manquer, les 3 ans ou presque de la fin du bar Le Dahu. C'est dimanche, 18h. À l'occasion, une gerbe de bananiers sera déposée à l'angle monté de la Grande Côte rue Burdeau et sera suivie d'un récital de musique manchoue par Litchi et Suxu. Et puis, dans les anciens hangars de la cimenterie du 1er arrondissement, ouverture d'un nouveau lieu d'échange, la Brasserie, collectif de brasseurs solidaires, un lieu ouvert à tous. On y vient pour se brasser en toute tranquillité. D'ailleurs, on peut même débouler avec des potes et des baramines. Stan le Brasseur, d'ailleurs, est une vieille figure du quartier. 122 combats, 113 défaites devant plus d'une dizaine de bars. À découvrir donc rue du Crevard Blême, gratuit pour les filles le jeudi. Enfin, pour ceux qui veulent se cultiver, cette conférence à l'espace sans dessus-dessous. Alcool ou guerre civile, que choisir ? Par Jonathan Izette, le célèbre guérillero du Front Borracho International. Conférence qui sera suivie d'un concert de mariachis dans une ambiance tropicale et open bar. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de rester cool avec le barman parce que c'est toujours lui qui décide. Courder sa pétaracle, icône et voie à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à bombage, je vais picrap dans l'escalier. Salut Camille. Yo Camille. Ouais, je suis bien ou pas? Bien et toi? Ouais, je voulais te dire Camille, j'ai lu ton texte là que t'as publié sur mardi midi. Ouais. Hyper bien. Respect, non, sérieux. Ouais, t'es... ça t'a plu? Ah, t'écris trop bien, puis ça déchire quoi, ça claque. Avec ça, franchement, on va tout claquer quoi. Enfin, ça va déchirer. Putain. Salut les gars. Ah, salut Camille. Je vous présente Camille. Salut à vous. Salut Camille. Il aimerait bien rejoindre notre groupe. Mais c'est pas un flic ou quoi? T'es flic ou quoi? T'es un flic? Bah non. Non? Non mais laisse tomber Camille, il est super parano. Moi parano? Non mais vas-y Camille, tu me parles pas comme ça. Enfin, tu vois, on arrête tout de suite de se prendre le chou, on va commencer la réunion parce qu'on a plein de points à aborder. Alors Camille, bienvenue à toi, est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as voulu nous rejoindre? Ben en fait moi depuis le début du mouvement j'ai trouvé ça super chouette les cortèges de tartare et je voulais rejoindre un groupe affinitaire. Pour pas être seul, pour passer à la casse quoi. Mais il est chelou ton pote Camille là. Arrête Camille. Alors justement faut qu'on parle de notre stratégie pour la manif de demain. Ouais Camille. Ouais alors pour demain moi j'ai regardé le parcours de la manif. J'ai vu qu'on allait passer devant un orphelinat. Et alors? Bah je propose qu'on l'attaque à coups de fumigène et qu'on tague nique les enfants sans parents. Non mais t'es vraiment trop con toi hein. L'hôpital quoi? La semaine dernière ça t'a pas suffi déjà? Quoi l'hôpital c'est l'état ok Camille? Nique sa mère Necker. Mais pourquoi quand on fait partie d'un groupe révolutionnaire hyper classe, tout est cassé par un putain de connard? T'as dit quoi? Oh, on se calme. Camille... T'as dit quoi là, Camille? Connard. Non mais, juste, Camille, on n'attaque pas les orphelinats. Bah non, c'est un œuf de peinture, tu vois. Quoi, on n'attaque pas un orphelinat? Bah parce que les orphelins, c'est nos alliés. Pas de parents, pas d'autorité. Pas d'autorité, liberté. Ah ouais. Liberté, insurrection. Insurrection! Insurrection! Bon, pour demain, faut qu'on fasse gaffe. Ouais, t'as raison, Camille, on va faire gaffe au Condé. Nique la police. Ouais, mais gaffe aussi à notre image. Depuis l'histoire de l'hôpital, les casseurs ont vraiment mauvaise presse. Faut qu'on trouve des idées pour paraître plus cool. Bah, je sais pas, vous pourriez... Enfin, on pourrait faire des slogans drôles, joyeux, quoi. Ah bah ouais, c'est une bonne idée, genre... Semons des graines, pas la misère. C'est un peu hippie, mais c'est pas mal. Semons des graines, pas la misère. Vas-y, on va taguer nique la police et nique l'État, comme d'hab. Non, mais peut-être on pourrait accompagner les attaques de cibles avec des messages bienveillants, par exemple. On casse une banque et à côté, on écrit « Rien de personnel, bisous, bisous ». Ah ouais, j'aime bien, c'est pas con, ça. Et par exemple, si on attaque un local du PS, eh ben on laisse un bouquet de roses. Ouais, c'est des bonnes idées, tout ça. Ouais. Qui c'est qui peut s'équiper en bouquet de roses? Non mais attendez, on va pas s'excuser de casser non plus. Là, vous êtes en train de nous faire rentrer dans une logique médiatique et gouvernementale. Non, moi, c'est pas des excuses, c'est Camille. Non, c'est de la bienveillance. Bienveillance, nique sa mère. Non, Camille a raison. Bienveillance, gentillesse. Gentillesse, peuple en liesse. Peuple en liesse, insurrection. Insurrection! Camille, tu voulais dire un truc? Ouais, vous écoutez toujours cette musique de merde pendant vos réunions? Ouais, ça c'est obligé, c'est les chefs qui l'ont dit. Mais bon, c'est bien. Hein. Les chefs? Ouais, bon, ça va. De nouveau, pose pas trop de questions non plus. Le monde ou rien. Il est vraiment chelou ton pote là. Hein? Ouais, je suis sûr que tu t'appelles pas Camille en fait, toi Camille là. Mais t'es vraiment une pauvre banane toi, hein. Tu t'appelles pas Camille non plus. Hein. Moi aussi. Moi je veux pas foutre la merde, mais si ma présence vous gêne, je peux m'en aller. Hein. Mais non, mais voilà, t'as vu ce que tu fais Camille? Quoi? Manque de confiance là, hein, et tu fais peur à nos amis. C'est pas comme ça qu'elle va venir l'insurrection. Hein. Bon, on peut avancer la réunion là. La manif, c'est demain. Ouais, d'ailleurs, moi je veux bien acheter des roses si vous voulez. Hein. Super Camille. Alors moi j'ai ramené des nouveaux kawaii. Alors, je pense que ça serait pour changer un peu l'image de notre black beauf. Attends, des kawaii couleur fuchsia? Putain, mais on va pas mettre ça là, Camille. T'as triplé. Ouais, cool. Bah, pour une fois, Camille, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est la honte quand même. Ouais, les non. flics, ils vont trop se foutre de notre gueule. Là. Bah, moi, en vrai, je les trouve plutôt jolies. Ah, non, mais oui. Ah, c'est n'importe quoi, on va pas mettre ça. C'est trop passe-crène. On va se faire choper. Si, on va les mettre, ces kawaii, pour attaquer les banques. C'est stratégique. Fuchsia, c'est sympa, c'est populaire, prolétaire, révolution. Insurrection! Insurrection! Ouais, insurrection! Non, pas insurrection. direction. Moi, je préfère encore me déguiser en hooligan russe et faire péter la fanzone que mettre des kawerez. Kaweros, là, tu nous as pris pour la Reine des Neiges ou quoi? Ouais, pareil pour moi. Hein. Je suis pas non plus sur ce coup-là, moi, je... Non. Bah, franchement, on va pas... Comme je l'ai dit, moi, j'aime bien l'idée, mais c'est comme vous voulez. On vote, non? On vote. Non, mais dans notre groupe, on vote pas, là, tu crois quoi? C'est au consensus. Et quand il n'y a pas consensus? C'est Julien Coupa qui décide. Méga Combi. Toi aussi, t'habites au centre-ville de Lyon et t'en as marre de rouler en smart. En plus, les jours de pluie à Lyon avec une voiture classique, on risque facilement de s'embourber dans la boue. Et depuis qu'ils ont cassé les ponts au-dessus du Rhône, on est obligé de traverser le fleuve directement dans l'eau. Sans parler des risques d'ensablement les jours de grand vent où des dunes de sable se forment sur la presqu'île. Moi je dis, si tu veux pouvoir continuer d'écouter les grosses têtes tranquilles dans une voiture climatisée au milieu de la ville de Lyon, une seule solution. Achète un 4x4, tu pourras monter sur les trottoirs, tu seras au-dessus des grosses voitures, tu vas faire craquer les lunettes, et en plus, si un jour tu sors de Lyon, tu seras vraiment bien équipé. Le 4x4 en ville, c'est trop la classe, faut pas manquer ça. Le 4x4 en ville, une idée défendue par la communauté texane de Lyon. Et si t'as pas assez de sous, achète un quad. Quad. Quad. Quad. Quad. Quad. Quad. Quad. Vous appelez? Et voilà. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes ici sur le parking? Et voiture. La voiture? En voiture, oui. On l'attend. Vous dormez là-dedans, ouais. Regardez, aller manger, bouteille, préparer à manger. Doulou. Doulou, aux toilettes. Nous consommer De l'eau de la toilette, non. Mais on ne peut pas la boire. Non. Non, nous consommons de l'eau de toilette. De l'eau. Oui, fais-gâter et manger. Ce matin encore, l'eau coulait de cette fontaine du jardin des Chartreux. Non. Certains quidam avaient ouvert les vannes, alors que la ville de Lyon souhaite les laisser fermer. Marche pas cette fontaine. Ce midi, la municipalité a donc dépêché son service des espaces verts pour empêcher tout accès à l'arrivée d'eau. Méga combi. Au-dessus de la place Roville, dans le premier arrondissement sur les pentes de la Croix-Rousse, au-dessus du jardin des Chartreux, il y a un parking, il y a plusieurs familles qui vivent ici dans des voitures. Reportage. Et ici, c'est un maison, moi. C'est un parking privé. Moi, c'est patron ici. Mais vous acceptez que les gens viennent se garer quand même. Voilà. Voilà, c'est tout. La mairie, j'ai découpé le robinet. C'est fermé ici, de la douche. Ouais. La douche publique, elles ont fermé là. C'est les songer d'ici, la gare de Gerland. Vous êtes obligé d'aller jusqu'à Gerland pour... Ouais, c'est là. Non, parce que moi, je n'ai pas l'argent pour la métro, la bourse, c'est comme ça. Voilà. Il n'y en a pas de l'eau. C'est beaucoup d'enfants ici. J'ai dans la voiture, la nuit, c'est... Vous m'avez dit, vous avez combien d'enfants? 5. 5. Et vous avez combien de voitures du coup? 2. Tout le monde tient dans les voitures? 2. 2 voitures. Si 5 enfants, c'est 3 adultes. Ouais. Total, c'est 8 personnes. C'est celle-là la voiture? Ouais. J'ai dormi 6 personnes. 6 personnes, ouais, donc c'est une sorte de break, un Chrysler. Il y a des matelas dedans. Comme ça. Les voitures, c'est pour dormir et puis dehors. Là, ici, c'est la cuisine. Enfin, ici, c'est un cousin-moi. Une petite table et puis il y a des sièges de train ou je sais pas ce que. Ce midi, la municipalité a donc dépêché son service des espaces verts pour empêcher tout accès à l'arrivée d'eau. Une décision qui fait sortir la maire du premier arrondissement. On peut parler de bras de fer puisque la ville de Lyon, depuis début juillet, ne veut pas réinstaller l'eau au sein du jardin des Chartreux, qu'elle ne veut pas non plus prendre à bras le corps la question de la présence de familles d'origine de Roumanie, de familles roms essentiellement sur son territoire. Moi j'ai dit l'inquiétement, moi j'ai dit à madame Nathalie, il me les donne un foyer, un hôtel, moi j'irai fausse. C'est pas possible comme ça. Non. Moi, je cherche un maison, c'est tout. Moi, j'ai dit en 2006 ici, j'ai coussé ici la Claude-Rousse. Madame Nathalie, elle a dit qu'elle cherche une solution à tout le monde ici. Des 3 mois, 4 mois, j'ai rien pour moi. Moi, j'ai préparé un dossier pour la CAF, et mais j'ai refusé. Moi, j'ai préparé encore un recours. C'est pas possible. Il me cherche 3 fiches de pied, un contrat pour travail. Rien, rien pour moi, rien. Vous n'avez pas de travail? Non. Le mange, il prépare 10 euros pour manger, c'est tout. On dans la manche? Oui, c'est la manche. Non, moi j'ai l'inquiété là pour l'emploi. C'est trouvé pour moi, inquiète-moi, rien. Je ne sais pas comment je l'ai fait. De la maison de Rhône, j'ai parlé maximum 5 minutes, 10 minutes, après c'est fini. Elle m'a dit comme ça, Marius, c'est désolé, il n'y en a pas de solution pour toi. Il me les donne un ticket pour manger paiement, 70 euros, c'est tout. C'est tout. C'est tout. La ville de Lyon, depuis début juillet, ne veut pas réinstaller l'eau. Non, de l'eau. De l'eau en toilette. Nous, on consommait de l'eau de la toilette, non. Ça marche pas cette fontaine. Bonjour. Bonjour. Un petit reportage pour Radio Canu. Attendez, un reportage sur quoi? Sur les familles qui vivent ici dans les voitures. Ouais, nous on ne peut rien dire. Mais pourquoi vous ne pouvez rien dire? Nous on n'a rien à dire. On est agent municipal, on n'a rien à dire. On est en fonction là. C'est l'ordre. C'est l'ordre, vous n'avez rien à dire. Ouais, on est agent municipal, on a notre droit de réserve, donc on n'a rien à dire. D'accord. C'est la mairie qui a coupé l'eau. C'est la mairie centrale. Colomb. Ils ont coupé l'eau, même leur local à eux, il n'y a plus d'eau. Ils ont tout coupé, les fontaines. Pourquoi ils ont fait ça? Ben, je sais pas, je pense que parce que les Roms se servaient beaucoup d'eau. Je pense que c'est ça hein, le truc. C'est pour ça qu'ils ont coupé. Enfin, je trouve ça un peu dément. C'est vrai que c'est pas des pratiques de faire ça, couper l'eau, ça c'est con quoi, je veux dire. C'est colon quoi, c'est. Il s'en fout un peu des Roms, mais. Lui c'est pas son truc, lui c'est le prestige de la ville. C'est pas le. Mais Roms, il s'en fout un peu, je crois, colon. Beaucoup d'implantations d'entreprises, ça a été notre record. La mairie, j'ai découpé le. Comment s'appelle la robinet. Nous sommes aujourd'hui la sixième ville en Europe. La mairie qui a coupé l'eau. Nous citons maintenant au niveau des grandes métropoles comme. C'est la mairie centrale. Barcelone, comme Milan. La mairie, j'ai découpé la robinet. Ça ne marche pas cette fontaine. C'est un positionnement tout à fait exceptionnel. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ici, des 12 ans. 12 ans. Deux ans que vous êtes sur le parking ici? Oui, c'est 12 ans ici, j'ai un parking. J'ai les enfants, moi, j'ai resté ici, l'école à Victor Hugo. C'est l'école qui est juste à côté? Moi, j'ai encore un fille petit ici handicapé. C'est possible comme ça, moi, je reste ici, la voiture. C'est pas possible. Mais racontez-moi, avant, vous étiez où avant ces deux ans ici, au Chartreux? En bas, la Rhône. Et Marie Police est en bas de la Rhône, il m'a dit, ouais Mario, c'est interdit ici, c'est fini. Après moi je le viens ici. C'est ça, il y avait un bidonville cours d'Herbouville, ouais, c'est ça c'est où ils ont été expulsés. Vous avez été expulsés. Oui. Mais avant vous étiez dans quel pays? Ben Roumanie. Normal d'in 2006. Depuis 2006 vous êtes ouais, en France? Oui. Pourquoi vous avez quitté la Roumanie? La Roumanie? 2004. C'est fini travail, c'est fini maison. Après, moi, j'ai expliqué la femme, moi. Ouais, c'est pas possible. Moi, je reste ici, la Roumanie. Moi, c'est fini. La Roumanie, c'est fini. Après, moi, j'ai cherché toute la famille. Moi, je viens ici, la France. Ici, moi, je reste là. C'est fini. Moi, j'ai la Roumanie. Il n'y a pas maison. Ici, il n'y a pas maison. Moi, j'ai préparé un dossier pour la CAF, mais j'ai refusé. Mais il cherche un fiche de paye, un contrat pour travail. Rien. Regarde. C'est ça que je fais. C'est pas possible. No more butterflies down in this valley. Searching for a better life. I lost my Shelly. Rhythm keeps me survive. The noise keeps me alive. Feel you once again. Where is my promised land? Non mais tu vois, leurs histoires de mariage entre homosexuels, bah écoute, c'est pas naturel. Puis moi, franchement, ça me dégoûte, quoi. Non mais attends, les étrangers qui votent aux élections, les étrangers, ça veut rien dire, ils ont qu'à être français. Non mais moi, j'ai vraiment pas envie de payer des impôts pour des gens qui travaillent pas, qui font pas d'efforts, et puis qui sont des assistés sociaux, parce que c'est ça. Bah non, mais les Roms, c'est des voleurs. Et puis t'as vu comment ils vivent? C'est efficace et pas cher. C'est la baffe que je préfère, c'est la baffe. Les préfets ont pour mission de démanteler les campements de Rome. C'est une politique à la fois ferme et en même temps respectueuse du droit. C'est la baffe. C'est la baffe. Again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. On the scene, already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out, white clouds mingles and hangs in the air. Another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. Cause I need some of that vagueness now. It's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. J'étais pyromane, je mettrais le feu. Si j'étais pyromane, je serais pas du genre à m'inscrire dans un club de pyromanie qui organise des feux géants le week-end et achète des points carbone pour avoir bonne conscience. Plutôt du genre à apprécier des petits feux modestes mais bien conçus, avec une belle combustion contrôlée, des arrivées d'air bien dimensionnées, des matières combustibles bien dosées. Mais ce serait peut-être pas de la pyromanie, tout au plus de la pyrophilie. Non, si j'étais un vrai pyromane, je serais en prison ou en hôpital psychiatrique, comme tous les pyromanes, je suppose. Car notre monde nous interdit de brûler quoi que ce soit. Je crois, en tout cas, je me plais à penser qu'à l'époque où ils étaient encore peinards, il y avait des tribus d'Indiens qui brûlaient une fois par an tous les biens matériels auxquels des individus pouvaient s'attacher. Plein de vertus, ces Indiens. Non seulement ils se guérissaient de la folie de la propriété privée qui nous ronge tous, mais en plus, ils laissaient parler collectivement leur amour du feu. Nous, pour nous défouler, on a des sports plus ou moins violents, des jeux vidéo et la télé, mais c'est moins puissant. Alors effectivement, on a tous un côté pyromane frustré. On aimerait tous faire cramer son patron, son collègue, un homme politique, une banque, une multinationale qui nous empoisonne. Mais cette pyromanie-là n'est pas encore la bonne, juste une vague pulsion de mort. Le vrai pyromane est un passionné, fasciné, fascinant. Même squatteur, artiste et anarchiste, le vrai pyromane est capable de brûler sa propre friche si l'occasion se présente. Peut-être que son chef-d'œuvre serait sa propre immolation au milieu d'une forêt en feu, tel un capitaine héroïque à bord de son navire qui coule. Si j'étais pyromane, je ferais peut-être ça. Je mettrais ma vie au service de ma passion pour aller jusqu'au bout de ma logique, exactement comme pour aller jusqu'au bout d'une autre logique moins mortifère. On peut mettre sa vie quotidienne au service d'une philosophie, entretenir soigneusement chaque jour un beau bûcher d'utopie, attiser le débat et mettre le feu aux consciences autour de soi. Si j'étais pyromane, la grande échelle des pompiers serait incandescente et plus personne pourrait monter dessus. Si j'étais pyromane, je mettrais de l'essence dans les allumes-cigares des voitures, qu'on soit le 31 décembre ou pas. J'allumerais la mèche qui pend devant les comicos pour faire du poulet grillé. J'enverrais Johnny allumer le feu à l'Élysée jusqu'à ce que le château, le roi et sa cour ne soient plus que des cendres. Si j'étais pyromane, je mettrais le feu à la presqu'île, à ces bourgeois. Et les vieilles dans le bus, elles seraient incinérées vivantes avec leurs bijoux fondus. On fabriquerait des haches en or pour tout casser et on irait brûler de l'argent dans les coffres des banques. Ah, si j'étais pyromane, il s'en passerait des choses. Mais je suis pas pyromane, j'ai juste un micro et je brûle des kilos d'uranium pour produire l'électricité qui font tourner ma radio. Je suis pas une pyromane, je suis une pyro-woman. Moi, si j'étais pyromane, j'aurais une maison en allumettes. Si j'étais pyromane, j'irais plus jamais à la piscine. Moitié pyro le fou, moitié Batman, j'escaladerais la glycine et je balancerais la nitroglycérine. Je crois que je ferais n'importe quoi pour épater Ludivine. Si j'étais pyromane, je prêcherais la bonne parole, tel un chaman. Brûlez, brûlez mes enfants. Rien ne se perd, tout se transforme, et de ces cendres-là, plus rien ne sera. Mais dans ce vent-là, il y a une histoire à devenir, quand filtrée par la couche d'ozone, assimilée par les nuages, la pluie tombera sur le sol, une nouvelle vie. Moi, si j'étais pyromane, eh ben, j'irais jamais au hammam. Entrez. Bernard, il y a le représentant de la Sofran Sécurité qui est là. Ah oui, c'est vrai. Faites-le entrer, mais qu'on fasse vite. Hein. Faut que je sois à l'Élysée à 10h. Monsieur Menotte, si vous voulez bien entrer, monsieur Merci. Le ministre va vous recevoir. Merci. Bonjour, monsieur Menotte. Monsieur Maisonvieille, je suis très, très honoré. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous refourguer cette fois? Ça vous a pas suffi, les 1000 Beachbox Security qu'on vous a commandé après Nice? Ben non, mais là, c'est-à-dire que c'est... Bernard, monsieur Menotte vient te présenter Algolithique, oui, le voilà. Robot décisionnaire développé par la Sofran Security. Et c'est ce petit machin qui est censé m'aider à prendre mes décisions. Voilà. Hop. Effectivement, monsieur le ministre, Algolithique, c'est un assistant à la réaction politique. C'est un concentré des meilleures technologies Sofran Sécurité qui est capable d'analyser n'importe quelle situation, capable de faire des préconisations de réactions à adopter, d'éléments de langage à décliner, voire de lois à proposer. Ah, mais c'est quoi ça, Nathalie? Ça doit être les RG pour les notes blanches du jour. Ah, ouais. Entrez. Alors, qu'est-ce que vous avez à me raconter ce matin? D'accord. Ah, il nous fait chier celui-là. Ok. Julien Coupa, encore lui? Dans la manif des flics de cette nuit. Vous êtes sûr de votre source? Bon bah très bien, dans ce cas, exécutez-le. Et puis laissez-nous maintenant, j'ai du boulot. Dis, Nathalie, il faudra qu'on fasse un point sur la DCRI. Ils ont l'air au bout du rouleau, là. Oui, très bien, Bernard. Je peux peut-être vous faire une démonstration? Hein? Ah oui, allez-y. Voilà. Alors en fait, il suffit de donner à Algolithique trois mots-clés pour caractériser une situation et lui permettre de formuler une proposition de réaction. Je vais vous montrer, monsieur le ministre, en prenant l'actualité récente de votre ministère. Algolithique? Alors, Algolithique, si je te dis banlieue, voiture de police, cocktail Molotov, qu'est-ce que tu me réponds? Nathalie, tu veux pas me virer ce fax du bureau? C'est insupportable ce bruit-là. Non, Bernard, c'est le robot de Monsieur Menotte. Voilà. Alors, je vais vous lire la proposition d'Algolithique. Les voitures de police en zone sensible vont être équipées de dispositifs anti-caillassage, voire de blindage. Un travail sur les tenues va être mené rapidement pour veiller à ce qu'elles soient intégralement ignifugées. C'est exactement ce qu'a dit Manuel. Tout à fait, monsieur le ministre. Matignon est équipé de 2 prototypes depuis le mois dernier. Mais si je vous suis bien, monsieur Menotte, si tous les ministères achètent votre robot, on va tous dire la même chose? Non, c'est pas tout à fait vraiment la même chose. Cabinet du ministère, j'écoute. Oui, je vous le passe. Bernard, c'est l'agent chargé de surveiller la manifestation des policiers sur les Champs-Élysées. Ah oui. Allô? Alors, c'est quoi ce bordel? Oui, bonjour monsieur le ministre. Alors, il y a environ 500 agents qui manifestent, ils sont en uniforme avec leur arme de service, là. Bah, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez, pour le moment, ils ne font que chanter des slogans. Je ne comprends pas vraiment. Ils disent qu'ils se détestent eux-mêmes. Certains se tapent même la tête sur les pavés. Voilà, là, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, je serais d'avis de les laisser se massacrer. Rappelez Nathalie si ça tourne vraiment au vinaigre. Très bien, monsieur le ministre. Bon, la DCRI a peut-être raison. Ça peut être ce tarnac derrière tout ça. Si je puis me permettre, monsieur le ministre, Algolithique peut aussi gérer l'actualité sociale. Ouais, enfin, c'est pas un robot qui va apprendre à casser une grève, hein. Oui, Bernard, s'il te plaît, écoute, monsieur Menotte. Merci, madame. Alors, Algolithique, voilà la situation. Goodyear, syndicaliste, procès. C'est vintage, votre truc. Ça me rappelle mon TO7 de chez Bulle. Oui, c'est un peu la même technologie. Alors, voilà. Alors, je vous lis la proposition de discours, hein, ou de déclaration. Nous ne pouvons tolérer qu'une minorité prenne en otage notre économie. Ce sont des actes inacceptables. Je demande des sanctions exemplaires. Eh ben ça, on peut dire qu'il maîtrise bien la langue de bois, votre machin. Mais franchement, dans ce registre, je me débrouille très bien tout seul. Ah mais merde! On peut pas être tranquille une minute dans ce foutu ministère? Ah, Bernard, c'est encore une note blanche. Quoi? Les Kurdes aux portes de Vesoul? Mais vous délirez, mon vieux. Oui, calmez-vous. Écoutez, voyez ça avec la défense. Moi, Vesoul, hein, de toute façon... Oui, d'ailleurs, Bernard, il va falloir conclure avec Monsieur Menotte, là. Je te rappelle que tu es attendu dans une heure à Angers. Quoi? Mais qu'est-ce que je vais foutre à Angers encore? Je ne sais pas, c'est juste écrit balcon sur ton agenda. Ah, fais chier, c'est encore le protocole qui m'a calé ça. Monsieur le ministre, alors, avant de vous laisser, hein, je voudrais juste vous proposer d'essayer Algolithique par vous-même. Allez, ok, je vais jouer le jeu. Algolithique. Alors écoute ça, petit robot. Emmanuel Macron, Morandini, manif pour tous. Voilà, donc là, le processeur analyse toutes les données et ça va écrire une proposition, voilà. Tenez votre discours. Alors, voyons voir. Mes chers compatriotes, après consultation du président de la République, de mon compte Twitter et de mon agenda de la semaine, j'ai décidé de dissoudre la France. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins